je remercie bien sûr les organisateurs de cette journée. Et ensuite, et pour faire rapide, je regrette l'absence de Gérard Rabinovitch. Parce qu'en fait, ça aurait été bien qu'il nous présente un peu le concept de destructivité dont je vais faire usage, de manière un petit peu décalée. Puisque, bon, mon propos, je l'ai intitulé « Amok, enfance et destructivité ». Et il est clair que je vais largement m'appuyer sur le travail de Götz Heisenberg, qui a en quelque sorte donné une consistance en psychiatrie à la notion de amok, qui est relativement peu connue dans le domaine français. Une jeune mère donne le sein à son enfant calé dans son bras gauche, mais ce n'est pas l'enfant qu'elle regarde. Son regard reste fixé sur l'écran de son téléphone mobile qu'elle tient de sa main droite. Cette scène, Götz Heisenberg l'a décrit dans son ouvrage « Entre Amok et Alzheimer », un ouvrage qu'il a publié au début de cette année, ouvrage dont est également tiré le texte qui sera publié par la revue Illusio dans le numéro consacré à l'enfance. Cette scène, ce n'est que l'une des nombreuses scènes que Heisenberg décrit dans cet ouvrage, et elle est exemplaire de l'entreprise de destruction dont la société présente se sent coupable, se rend coupable, entreprise de destruction qui commence avec l'enfance. Une entreprise de destruction dont il n'est pas nécessaire d'être en permanence branché sur l'actualité pour en voir les effets. Des effets que Heisenberg, donc, rapporte au phénomène de l'amok. Lorsqu'un pilote de la compagnie Germanwings précipite son avion sur la montagne en mars dernier, entraînant dans la mort les 150 passagers de l'avion, la presse allemande a titré le pilote amok. Amok, amouk en malais, je connais que ça en malais, c'est le mot qui depuis longtemps désigne un comportement bien connu de cet archipel, la folie meurtrière qui s'empare brusquement d'un homme, qui se met à courir à travers le village en tuant tous ceux qui se trouvent sur son passage. On dit qu'un tel homme court amok, une course qui s'achève souvent quand le coureur fou se tue lui-même, comme si c'était le minimum qu'il pouvait faire. Quoique observé depuis le XVIe siècle, c'est à partir du XIXe siècle qu'on tenta d'expliquer ce comportement en mobilisant certains concepts de la psychiatrie et de la psychanalyse. Il est vrai que le romancier autrichien Steinzweig a intitulé « Amok », l'une de ses nouvelles les plus célèbres. Nouvelle à laquelle on doit sans doute que ce terme soit connu dans le domaine germanique. Mais c'est un élève de Marcel Mauss, Georges Devreux, fondateur de l'ethnopsychiatrie, qu'on doit une étude plus approfondie du phénomène de l'amok sous un angle pathologique. On trouve cette étude dans le recueil Essai d'ethnopsychiatrie générale, l'essai lui-même date de 1956. Le recueil a été publié par Gallimard en 1970. Celui qui court amok est considéré par les autres membres de sa communauté de manière contrastée. D'une part, il constitue un danger dont il faut se préserver. Je rappelle quand même que lorsque le coureur amok court à travers le village, on tend des lances sur son passage pour éviter... Et parfois, le coureur s'empale sur les lances, d'une façon de mourir. Mais si le coureur amok constitue un danger, il peut parfois constituer, pour la communauté à laquelle il appartient, sinon une chance, du moins un avantage. C'est en tout cas l'analyse de Dévreux. Dévreux qui rapproche le coureur amok du berserker viking, du chien fou amérindien ou du chaman sibérien. Le mot chaman, c'est un terme que Dévreux utilise comme terme générique. Il s'agit à chaque fois d'un individu qui incarne certes le désordre social, par exemple en refusant l'identité sociale que la communauté lui attribue. Mais, en adoptant un comportement asocial, mais en l'adoptant de manière réglée, il positive ce désordre et il peut devenir un élément, certes, ostracisé, mais finalement respectable et utile à la société. Bref, ces anormaux restent hors normes, mais deviennent acceptables parce qu'exceptionnels. Être un chaman, c'est adopter une position qui permet de rendre acceptable une position inacceptable dans le cadre social normal. On verra peut-être plus tard quelques exemples. Les analyses de la psychanalyste hétérodoxe Melanie Klein permettent, elles aussi, d'enrichir la compréhension du phénomène de l'amok. Klein explique que le petit enfant passe dans sa compréhension de son rapport avec la mère par plusieurs phases successives, dont la résolution heureuse détermine le profil ultérieur de l'individu. Dans un premier temps, le petit enfant fait la distinction entre la bonne mère, celle qui donne le sein, et la mauvaise mère, entre celle qui apporte plaisir et satisfaction et celle qui frustre sa demande et qui est l'objet de sa haine. Dans un deuxième temps, le petit enfant réalise que ces deux images de la mère sont une seule mère et que la haine qu'il porte en lui est l'autre face de l'amour qui le porte vers sa mère. Dans un troisième temps, et ce temps est déterminant, l'individu qui a été cet enfant normalise l'ambiguïté haine-amour dans le cadre social, ce qui, dans l'orthodoxie freudienne, se nomme principe de réalité. Cette normalisation est en quelque sorte la manière de fabriquer les sujets sociaux, le cas échéant de normaliser, comme sujet exceptionnel, les individus qui n'entrent pas dans ce qu'on peut désigner comme un moule. Cette normalisation peut prendre, traditionnellement, la forme d'une normalisation autoritaire, celle du pater familias, qui a tous les droits, et en particulier sur ses enfants. L'enfant doit obéir et ne pas discuter, être normal ou être ostracisé comme asocial. On sait que c'est contre cette structure autoritaire que le mouvement contestataire s'est dressé, et en particulier en Allemagne. Le phénomène autoritaire et son analyse étaient au cœur du mouvement de contestation. On citera le nom de Peter Bruckner, psychologue social et psychanalyste, très engagé dans ce mouvement de contestation radicale, et que Götz Heisenberg regarde comme son maître spirituel. Dans l'ouvrage qu'il a intitulé « Contribution à la psychologie sociale du capitalisme », Bruckner montre que le capitalisme avancé, qu'il nomme capitalisme de la consommation, le capitalisme avancé, donc alias capitalisme de la consommation, remplace la régulation sociale des conflits psychologiques, une régulation qui était exercée par l'autorité familiale, par, on va dire, la régulation sociale par le marché. On se détache de l'autorité de la famille et on se livre en quelque sorte à la liberté du marché. On verra si on peut parler, si on peut parler de liberté et ce que ça implique et ce que ça explique surtout. Or, la régulation sociale par le marché n'est pas de nature à structurer les sujets. Au contraire, elle les déstructure. Pour utiliser un autre verbe, la régulation sociale par le marché détruit les êtres humains comme êtres humains. Et c'est ici qu'il est possible de faire intervenir certains auteurs de la théorie critique, comme Max Horkheimer ou Théodore Adorno, mais aussi des auteurs de ce qu'on peut appeler la critique de la valeur, qu'on peut désigner comme leurs héritiers. Théorie critique. Alors, Patrick Vasseur tout à l'heure de se demander si on peut parler de la théorie critique ou des théories critiques. Bon, il est clair que ce qu'on appelle la théorie critique de la valeur, dans laquelle je me reconnais, c'est un héritage de la théorie critique, une théorie critique qui n'a jamais, ce qui est important de remarquer, je veux dire, Illusio le montre bien, n'a jamais été une théorie, une école. Il y a eu effectivement des divergences parfois graves. Et ceux qui posent un regard critique, ceux qui veulent être critiques, ne sont pas dans une école unifiée. Dieu nous en garde. Il est clair que la théorie critique est quelque chose qu'on peut désigner comme étant cette volonté, effectivement, de ne pas se laisser avaler par la société. Avec cette société, disait quelqu'un, je ne veux rien avoir à faire. C'est vrai que la dimension de haine peut être une dimension désirable. Avec cette société, je ne veux rien avoir à faire. La structuration des sujets par le marché, et le dernier ouvrage de Götz Heisenberg donne de multiples exemples de cette structuration qui prend la forme d'une démission des parents au profit des mécanismes du marché. Cette structuration est littéralement une destruction. Parce que l'ordre marchand, ou si l'on veut, la forme marchandise est entrée en crise et est de moins en moins capable de maintenir la cohérence des sujets. Pour parler de manière un peu plus concrète, la société actuelle est de moins en moins capable de fabriquer des consommateurs heureux. Et je dirais qu'elle fabrique des individus borderline, des individus à la limite de la folie, mais du bon côté quand même. La crise générale de la société contemporaine, et pour ma part, je parlerai de crise au singulier, même s'il est clair qu'à mes yeux, elle a de multiples formes. La crise générale de la société contemporaine est donc aussi une crise de la subjectivation. Les individus laissés à la merci d'une loi du marché qui se trouve désormais de moins en moins capable de les structurer, ces individus se trouvent dans ce qu'on peut appeler des états limites, une situation borderline, un état bipolaire que la moindre étincelle jette dans la folie. Ce brusque passage à la folie était, dans certaines sociétés précapitalistes, était géré. En permettant à certains guerriers vikings d'être de redoutables berserkers, en permettant à des marginaux des groupes sibériens ou amérindiens de devenir des chamans précieux pour la communauté, pour permettre à des individus pris d'amok de cristalliser, tels des abcès de fixation, l'excès que la communauté malaise n'aurait pu sinon métaboliser. L'analyse croisée, les auteurs de ce qu'on appelle la critique radicale de la valeur et de Götz-Heidenberger, se réfèrent explicitement à cette ligne critique dont je rappellerai, mais si jamais trop qu'elle n'est pas cohérente, elle n'est pas. L'analyse croisée de sa critique de la valeur et de Götz-Heidenberg permet de lier cette crise d'amok à la crise générale dans laquelle se débattent les sociétés actuelles. Ce qui me permet d'ailleurs de regretter l'absence d'Anselm Yaffe, qui travaille sur le fait que les sociétés actuelles recentrent un petit peu la subjectivation des sujets sociaux sur une espèce de narcissisme qui est en quelque sorte la dernière étape avant l'implosion. Le processus de subjectivation impulsé par la forme valeur, c'est d'une part d'intérioriser l'appétit d'accumuler sans souci de consommer effectivement. Et d'autre part, de n'accorder d'intérêt qu'à ce qui permet cette accumulation. Alors, je vais revenir sur ces deux points. On peut parler de consommation effective quand cette consommation satisfait un besoin. Je passerai sur la définition de ce besoin. Tandis que le capitalisme de la consommation, comme dit Bruckner, présente la consommation comme une fin en soi, détachée de toute satisfaction, sinon celle d'accumuler, on va dire abstraitement. Accumuler abstraitement des produits de consommation. Les exemples sont légion. La société de consommation, c'est une société dans laquelle la consommation est présentée comme une fin en soi. L'important, c'est de consommer, pas de profiter de ce qu'on consomme, c'est acheter. N'accorder d'intérêt qu'à ce qui permet cette accumulation, ça veut dire aussi ne voir de l'intérêt que dans des choses dont on ne considère que la dimension que j'appellerais abstraite, à savoir non pas l'utilité pratique que ça peut avoir, mais d'autres choses. Les exemples sont légion, je vais peut-être revenir tout à l'heure. C'est ici aussi qu'interviennent les analyses de Roswitha Schultz sur la dissociation valeur. Des analyses qui s'appuient bien sûr sur des études sociologiques existantes. On pourrait parler de. Je peux citer Christopher Nash. L'incapacité de la forme valeur de maintenir la subjectivation comme mâle blanc occidental, qui est en quelque sorte le sujet de la valeur. Et je parle de subjectivation, c'est-à-dire qu'en fait, la femme de pouvoir en fait, s'identifie au sujet mâle blanc occidental. C'est pas la peine de nous dire qu'il existe bien sûr des cadres féminins. On ne réussit que lorsqu'on s'identifie justement à la figure du mâle blanc occidental. Or, justement, la forme valeur est de moins en moins capable d'imposer cette figure. Et la brusque prise de conscience de ce qui est en réalité une vacuité intérieure peut ainsi mener le sujet moderne à un comportement qu'on peut appeler suicide, si on veut, ou mieux, suicide étendu. C'est-à-dire un suicide dans lequel on entraîne un maximum de personnes. Alors, ces accès de folie meurtrière sont de plus en plus nombreux. Enfin, je reviens qu'au début de depuis le début de l'année, on en compte plusieurs dizaines aux États-Unis. J'ai évoqué tout à l'heure le pilote amok. La prise de conscience, donc, quand je dis prise de conscience, c'est plus absurde. Prise de conscience, ce n'est pas forcément très clair. Que ce monde est devenu un monde de non-sujets, ou plutôt, pour reprendre le terme de Adorno, un monde qui n'admet que des sujets constitués de manière mutilée. Comme si finalement, le seul sujet viable, c'était être un consommateur heureux, et que le seul homme admissible, le seul être humain admissible, c'est un consommateur qui, bien sûr, a la contrainte d'être heureux. Je pourrais citer un auteur étranger au courant de la critique de la valeur, qui s'appelle Norbert Lenoir, et qui écrit la chose suivante, je cite Norbert Lenoir. « Dans une société marchande, le rapport qui devient primordial n'est plus celui des hommes entre eux, à travers la solidarité, la coopération, etc., mais celui des hommes à travers les objets qu'ils souhaitent échanger ou acquérir par l'échange. » Je pourrais ajouter, lorsque la société marchande entre en crise, c'est le mécanisme de subjectivation qui entre en crise. Dans son analyse du phénomène de l'amok, Götz Heisenberg fait référence aux auteurs héritiers du courant de contestation allemande des années 70, Bruckner, mais aussi par exemple Robert Kurz. Le courant critique appelé la critique de la valeur, auquel je m'identifie, est un héritier de ce courant, il n'est pas le seul. Et la théorie critique dite École de Francfort n'est pas le seul héritage de ce courant, bien sûr. Ce courant critique, dans lequel je me reconnais, est aussi l'héritier de Marx, d'Adorno, d'autres auteurs de la théorie critique, dont on se rappellera tout de même que dans son sens premier, elle fait référence à la critique opérée par Marx. J'ai eu l'occasion de dire que la critique opérée par Marx, c'est donc un geste critique, et que sans doute le meilleur héritiers de Marx sont ceux qui reprennent le geste critique et pas forcément le résultat que ce geste a donné il y a quelques années. ce qu'est la théorie critique, ce qu'elle est aujourd'hui chez ceux qui s'en réclament, éclaircir cette question a été l'entreprise de la revue Illusio, à l'aventure de laquelle je m'honore d'avoir participé. Une thèse centrale de la critique de la valeur, c'est que la forme valeur modèle l'ensemble de la société. Alors, pour balayer tout de suite une confusion, pour la critique de la valeur n'est pas quelque chose de positif qui serait créé par des producteurs spoliés de leur activité, comme le prétend la vulgate du marxisme traditionnel. Non. La valeur, c'est cette forme vide de toute utilité pratique pour les hommes. Quelque chose qui est produit par le travail abstrait et qui est accumulé de manière folle au sein du capitalisme. On accumule sans penser qu'un seul n'a pas de poche. En d'autres termes, la domination de la valeur, c'est la domination des abstractions, c'est la domination d'une forme vide. Et dans le domaine de la subjectivation, dans le domaine de la constitution en sujet des êtres humains, eh bien la domination de la valeur se manifeste par la domination de cette forme vide. Le sujet valeur, est ainsi un non-sujet, un sujet qui n'est rempli que par une forme vide. Bien sûr, cette mutilation des êtres vivants qui en fait des êtres, des sujets valeurs, n'est ni totale ni parfaite. L'un des auteurs de la critique de la valeur, Roswitha Scholz, que j'ai déjà cité, fait ainsi la distinction entre trois niveaux d'analyse de cette mutilation. Alors le terme de mutilation, je l'emprunte à Adorno, et la citation que je vais faire, elle est prise à un volume qui a été publié en 2012 par Richard Poulain et Vassor, qui s'appelle « Sexe, capitalisme et critique de la valeur ». Et je fais référence à un texte de Johannes Vogelgeu intitulé « Le côté obscur du capital » que l'on trouve à la page 130. Je cite donc Johannes Vogelgeu. Donc il y a trois niveaux de l'analyse de cette mutilation. Un, le niveau qu'on appellera « méta », qui désigne la dissociation valeur comme essence de la société moderne. Le niveau méso, constitué par les différentes cultures, les groupes sociaux, les genres, etc. Et le niveau micro, celui de l'individu, avec sa constitution particulière qui ne se conforme jamais complètement aux exigences et aux impératifs. Il y en a qui résistent. Il est donc clair qu'au niveau micro, tous les sujets ne subissent pas le processus qui les rend vides avec la même intensité. Les sujets valeurs, si on permet ce néologisme, ne vivent pas nécessairement ce vide avec la conscience qu'ils sont vidés de ce qui les rend humains. Les sujets valeurs réussis vivent au contraire l'impératif de la consommation de marchandises comme une manière de s'accomplir. Et on sait que la remise en question de ce sentiment fallacieux de s'accomplir a été souvent relevée par des auteurs de Marx, Horkheimer à Guy Debord. Et le ratage de cette subjectivation est analysable comme une prise de conscience et une haine de soi haine de ce que la société fait des hommes, haine de ce que la société a fait de moi. Haine de moi. C'est à ce point qu'on peut faire intervenir les analyses de Melanie Klein. Et cette prise de conscience violente, selon Heisenberg, est à l'origine tant de la maladie d'Alzheimer, que Heisenberg interprète comme une implosion du sujet valeur, que des tueries qui se multiplient parce que de plus en plus de non-sujets réalisent que dans le vide généralisé de la société, leur acte définitif est seul susceptible de donner du sens. À cet égard, la dernière séquence de la libération du supermarché Kacher au mois de janvier 2015 à Vincennes à côté de Paris l'illustre de manière effrayante, puisque l'on voit très nettement qu'Amedy Coulibaly se précipite sur les gendarmes sans le souci d'en sortir vivant, avec pour seul but d'en tuer le plus possible. Je citais tout à l'heure l'ouvrage de Peter Bruckner, intitulé « Contribution à la psychologie sociale du capitalisme ». C'est le titre. On pourrait intituler ainsi la série des ouvrages que Heisenberg a produits. Une série d'ouvrages qui évoque un capitalisme déchaîné qui détruit les êtres humains en ne laissant plus comme alternative soit d'être un consommateur heureux, soit être un sujet vide qui tombe dans la déréliction. La destruction du sujet humain n'est que la manifestation de l'effet destructif d'un modèle, celui de la forme valeur, qui détache le petit homme de toute référence qui ne serait pas celui de la marchandise. De cela, Heisenberg donne de nombreux exemples dans son dernier ouvrage que j'ai cité. L'un des exemples les plus saisissants à mes yeux est celui de la conception des voitures d'enfants. Naguère, écrit-il, celle-ci était conçue de manière à ce que le regard du petit homme puisse rencontrer le regard de sa mère. Désormais, les voitures d'enfants orientent le petit homme vers l'avant et le livrent en quelque sorte au spectacle désordonné du monde. Enfin, on peut se rassurer, il y aura un téléphone mobile. Le seul repérage dans le monde est alors donné par les nombreux écrans auxquels le petit homme est livré. Avec la bonne conscience des jeunes parents convaincus que c'est justement de cette manière qu'il sera capable de s'orienter dans le monde. Évidemment, l'interprétation réactionnaire est possible, qui regrette l'époque où les parents jouissaient d'une certaine autorité. Heisenberg relève que la contestation anti-autoritaire n'a fait que remplacer l'autorité patriarcale de la famille par l'autorité de la marchandise toute-puissante. Et que l'autorité de cette marchandise toute-puissante a pu faire croire qu'une émancipation a eu lieu. Avec ses conséquences, vous savez, il suffit de citer les nombreux recyclages où les libertaires sont devenus libéraux. On commence par contester l'autorité des pères et on devient un consommateur Irre. On a pu croire qu'il s'agissait de passer d'un maître à un autre, mais que cet autre maître, la marchandise, pouvait aller dans le sens d'une émancipation et pas obligé d'acheter. Mais le nouveau maître montre assez rapidement son incapacité à gouverner. Condamné qu'il est par l'inexorable destruction de tout, inscrite dans son principe même. Une société gouvernée par la forme valeur ne peut se maintenir qu'au prix de la destruction effrénée de toutes les ressources qui lui sont disponibles. Ressources humaines et ressources naturelles. Et Patrick Vasseur a donné quelques exemples de cette destruction effrénée. Parce que une telle société n'est gouvernée que par le principe inhumain de l'accumulation sans limite de ce qui est, en définitive, seulement une forme vide. En toute cohérence, elle éduque, mais peut-on parler d'éducation ? Elle éduque l'enfant à n'évoluer que dans un monde où règnent les abstractions réelles. Jusqu'au moment où cet enfant prend conscience de la vacuité de ces abstractions réelles. Jusqu'au moment où cette subjectivation, indexée sur la consommation abstraite, manifeste sa fragilité, voire sa faillite. Jusqu'au moment où elle est remplacée par des constructions fantasmatiques permettant seules de maintenir le mythe d'un mâle occidental blanc, un mythe que le consommateur moderne est incapable de maintenir. Il est remarquable à cet égard que beaucoup de tueurs qui courent amok s'identifient de manière fantasmatique au mâle occidental blanc. Un sociologue comme Christopher Lasch, mais je fais aussi référence à Anselm Yappe, dont je regrette une fois plus l'absence. Un sociologue comme Christopher Lasch a montré que dans la société moderne, le mâle occidental blanc, et je parle du mâle occidental blanc non comme d'une réalité phénoménologique, mais comme une figure d'identification. Cette figure a tendance à ne pouvoir se maintenir qu'au prix d'une identification narcissique que l'on peut interpréter finalement que comme le dernier recours d'une subjectivation défaillante. Et on pourrait conclure en posant la question: toutes ces manifestations de l'amok contemporain permettent-elles de se rappeler la question que posait il y a quelques années Raymond Sempron? Je pose la question: à quels enfants laisserons-nous ce monde?